Les Red Hot Chili Peppers sur RGM, presque 8h37. On parle anniversaire. Ils sont nés un 16 octobre 1925. Naissance d'Angela Lansbury, actrice américaine, vue dans les années 40 dans le film Les Trois Mousquetaires, dans le rôle d'Anne d'Autriche. Sanson et Dalila, dans le rôle de Semadar. Monsieur Popper et ses pingouins, bientôt à l'affiche du film Le Retour de Mary Poppins. Mais on la connaît surtout pour son rôle de Jessica Fletcher dans la célèbre série télé Arabesque. 1940, naissance de Barry Corbin, acteur américain vu dans No Country for Old Men dans le rôle d'Ellis, dans la série télé Dallas dans le rôle du shérif Fenton Washburn, le feuilleton télé Les Oiseaux se cachent pour mourir dans le rôle de Pete, dans Jag, les frères Scott dans le rôle du coach Whitey Durham, ou encore The Closer, LA Enquête prioritaire dans le rôle de Clay Johnson. 1947, naissance de David Zucker, réalisateur, producteur, scénariste américain. Producteur de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Scary Movie 5. Réalisateur de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ? Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Y a-t-il un flic pour sauver le président ? Et Scary Movie 3 et 4. 1955, naissance d'Hélène Dolan, actrice américaine connue pour son rôle de Margot Montgomery Hughes dans la série télé As the World Turns. 1958, naissance de Tim Robbins, acteur américain, vu dans le film Top Gun dans le rôle de Merlin, dans Prêt-à-porter, Austin Powers 2, Mystic River dans le rôle de Dave Ball, qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. 1961, naissance de Marc Lévy, célèbre écrivain français, célèbre d'ailleurs dès son premier roman, Et si c'était vrai, adapté au cinéma en 2005. On lui doit également Où es-tu, 7 jours pour une éternité, La prochaine fois, Vous revoir, Mes amis, Mes amours, ou encore Si c'était à refaire, et encore bien d'autres. 1962, naissance de Michael Balzari, musicien australo-américain, bassiste du groupe Red Hot Chili Peppers. 1963, naissance d'Elise Moon, humoriste et acteur français, vu dans 4 épisodes de Caméra Café, 5 épisodes de Kaamelott, Nos chers voisins, scène de ménage, au cinéma dans Les Trois Frères, Les Dalton, Is No Good, Il était une fois dans l'Oued, Astérix aux Jeux Olympiques dans le rôle du juge Omega, Cyprien dans le rôle de Cyprien, où il est également co-scénariste, Neuilly sa mère ainsi que Neuilly sa mère hein, sorti c'était il y a quelques mois. Il interprète l'huissier de justice, vu également dans L'élève Ducobu, Les vacances de Ducobu dans le rôle de Gustave Latouche, Les Caïra, Les Francis, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où il est le psychologue, Le Doudou, et récemment également dans le film Les Degens. 1968, naissance d'Elsa Zilberstein, actrice française, vue dans Génial, Mes parents divorcent, Van Gogh, Il y a longtemps que je t'aime dans le rôle de Léa, qui lui a valu le César de la meilleure actrice dans un second rôle, Les tribulations d'une caissière dans le rôle de Marie, en 2017 à l'affiche du film Un sac de billes dans le rôle d'Anna Joffo, et également vue dans Chacun sa vie de Claude Lelouch. 1975, naissance de Christophe Maé, chanteur français. 1976, naissance de Marius Colucci, acteur français, un des fils de Coluche, vu dans De l'autre côté du lit, Joséphine s'arrondit, à la télé dans Les petits meurtres d'Agatha Christie, dans le rôle de l'inspecteur Émile Lampion, dans 16 épisodes, vu également dans Mongeville ou encore Capitaine Marlowe. C'est également l'année de naissance de Rachid Badouri, humoriste canadien. 1977, naissance de John Mayer, chanteur américain. On écoute tout de suite un extrait de son titre « No Such Thing ». Drama queens, I'd like to think the best of me is still hiding up my sleeve. They love to tell you stay inside the lines, but something's better on the other side. I wanna run through the halls of my high school. Voilà pour l'extrait donc de John Mayer. On continue. 1980, naissance de Jeremy Jackson, acteur américain connu pour son rôle de Bobby Buchanan dans la série télé Alerte à Malibu. 1981, naissance de Brea Grant, actrice américaine vue dans Halloween 2, Pitch Perfect 2, à la télé dans Heroes dans le rôle de Daphne Millbrook ou encore Dexter dans le rôle de Ryan Chambers. 1982, naissance de Frédéric Michalak, ancien joueur de rugby français, ayant fait carrière de 2001 à 2018 en jouant au Stade Toulousain, aux Sharks, de nouveau au Stade Toulousain, de nouveau pour les Sharks, à Toulon, et il a terminé sa carrière à Lyon. Et à noter qu'en 2015, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du 15 tricolore. 1983, naissance de Philipp Kohlschreiber, joueur de tennis allemand, professionnel depuis 2001. Meilleur classement, la 16e place atteinte en 2012, quart de finaliste à Wimbledon, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland Garros et l'US Open. Et il a remporté une World Team Cup, c'était en 2011. 1984, naissance de François Pervis, cycliste sur piste français, champion du monde du kilomètre en 2013, 2014, 2015 et 2017, champion du monde du Kérin en 2014 et 2015, champion du monde de vitesse individuelle en 2014. 1986, naissance d'Ina, chanteuse roumaine. On écoute tout de suite un extrait de son titre Déjà Vu. Voilà pour l'extrait donc de la chanteuse Ina. 1990, naissance de Ritza, chanteur-rappeur français. 1993, naissance de Caroline Garcia, joueuse de tennis française, professionnelle depuis 2011. En simple, son meilleur classement WTA, c'est la 4e place atteinte le 10 septembre dernier. Quart de finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'Open d'Australie Wimbledon et 16e de finaliste à l'US Open. En double, elle a été numéro 2 mondiale, c'était le 24 octobre 2016. Elle a gagné une fois le tournoi de Roland-Garros, une fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à Wimbledon et avec l'équipe de France en Fed Cup. Elle a été finaliste en 2016. En 1793, est décédée Marie-Antoinette d'Autriche, archiduchesse d'Autriche, princesse impériale, princesse royale de Hongrie et de Bohême, dernière reine de France et de Navarre de 1774 à 1792. Elle était l'épouse de Louis XVI. 2007, décédée Barbara West, survivante du naufrage du Titanic. Elle était d'ailleurs l'avant-dernière survivante. Et en 2013, décédé Albert Bourlon, coureur cycliste français des années 40 et qui détient d'ailleurs depuis le 11 juillet 1947 le record de la plus longue échappée en solitaire victorieuse sur une étape du Tour de France, 253 km. Allez, petite pause musicale, on va s'attacher avec Christophe Maé. J'ai pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurai toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je serai même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache. Avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. profil. Mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'en vis même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, on le sait bien, le quotidien ça nous tue, ça nous tient, ça nous fait mal. Rien de plus normal. T'enfiles dans la file et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu risques, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. On s'attache, Christophe Maé sur le 107FM, un peu plus de 8h49, on fait un point météo. La météo. Oh bien, on passera encore une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 21 et 23 degrés pour cet après-midi. Mercredi, belle journée ensoleillée également, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 22 et 24 degrés pour demain après-midi. Pour jeudi, du soleil, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 21 et 22 degrés prévues pour jeudi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on parle tennis avec le tournoi de Moscou et hier la qualification de Manarino en 3-7 face à Karlovski. 3-6, 6-4, 7-6. Aujourd'hui, Benoît Paire affrontera Misha Zverev. Et côté féminin, Mladenovic affrontera Kalinskaya et Alizé Cornet sera opposée à Vliklianseva. À Anvers, à noter hier l'élimination de l'Estienne en 3-7 face à Ivashka, mais il a été repêché en tant que lucky loser. Et à noter l'élimination de Robert en 2-7 face à Griekspoor, 7-6, 6-3. Aujourd'hui, l'Estienne affrontera donc Struff, Gilles Simon se repose à Stakowski, Tsonga à Peya et Monfils à Bemelmans. À Stockholm, l'élimination hier de Julien Beneteau en 2-7 face à Gulbis, 6-1, 6-4. Aujourd'hui, Lucas Pouille affrontera Sandgren. Et à Luxembourg, hier, la qualification de Pauline Parmentier en 2-7 face à Golubic, 7-6, 6-2. En revanche, élimination de Poncher en 2-7 face à Bouchard, 6-2, 7-5. Aujourd'hui, Ferro affrontera Niculescu. Et à noter que pour le Masters de Londres, la paire Nicolas Mahut-Pierre Hugerbert, eh bien, s'est qualifiée pour ce Master. On va parler basket, puisque la NBA démarre, ça y est, ça approche à grands pas. On va faire un point sur nos Français qui jouent donc en NBA pour vous donner les clubs. Ça n'a pas trop bougé cet été. Hein. Rudy Gobert donc évoluera avec l'Utah Jazz. Nicolas Batum et Tony Parker pour l'équipe de Charlotte. Evan Fournier est toujours à Orlando. Tilikina sera toujours à New York. Miami à Washington. Luau Cabarro à Oklahoma. Yabusele à Boston. Le petit rookie qui vient d'être repêché au Kobo lui évoluera à Phoenix. Et Alexis Adjisa qui évoluait depuis quelques années maintenant avec l'équipe